Chapitre deuxième. Elle adorait se prélasser sur son transat, le petit déjeuner servi sur la table basse. La mer Méditerranée resplendissait. Le soleil, déjà haut dans le ciel, commençait à être difficilement supportable. Elle termina son verre d'ananas, puis, à regret, se leva et entra dans sa suite. Sa nuit avait été douce et tranquille. Elle avait avalé ses médicaments et tout allait pour le mieux. Vêtue d'une jolie robe bain de soleil, un peu trop courte à son goût, Harmonie décida de se rendre au spa. Un bon bain bouillonnant suivi d'un massage achèverait de la mettre en forme pour la journée. Elle prit sa pochette et sortit de sa cabine. Elle passa 2 heures prodigieuses à se laisser bichonner. Les petites masseuses asiatiques, toutes menues, avaient une force herculéenne dans leurs jolies mains. Il fallut même un instant qu'elle demande à la sienne un peu plus de douceur. Elle était un peu somnolente lorsqu'elle sortit de l'Institut de beauté. Il était pratiquement l'heure de se restaurer et elle se dirigea rapidement vers la Folie 1900. Sur un bateau de croisière, les bénéficiaires de suites ou de cabines balcon les plus chères pouvaient choisir leurs horaires de restauration, mais devaient également s'y tenir. Elle se hâta et, dans sa précipitation, rencontra à sa gauche un homme de haute taille. Ils se bousculèrent et elle rebondit sur le montant de la porte. Un cri de douleur lui échappa. L'homme se tourna vers elle pour aussitôt s'excuser. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils se reconnurent. « Oh, je suis désolé, » fit-il penaud. « J'espère ne pas vous avoir fait trop mal. » Il s'exprimait en français, mais avec un fort accent québécois qui la surprit tellement qu'elle ne sut quoi répondre. Il enchaîna en lui prenant délicatement le bras pour la soutenir. « Bien évidemment, vous ne comprenez rien à ce que je vous dis. » J'ai remarqué hier au soir que vous parliez en italien avec ce malheureux serveur. Il va falloir que je me trouve un interprète, ajouta-t-il en souriant. Inutile, répondit Harmonie, sortant enfin de sa stupeur. Il écarquilla les yeux et soudain son sourire s'éclaira. La jeune femme en fut toute bouleversée. Il avait les plus beaux yeux bleus qu'elle ait jamais vus, d'un bleu aussi profond que le ciel d'été la nuit. « Je suis si heureux que vous me compreniez, » continua l'homme. « Me ferez-vous l'honneur, pour racheter ma mauvaise conduite, de vous inviter à ma table ?»« Bien entendu, si vous êtes accompagné. » Elle lui coupa aussitôt la parole. « Je suis seule. » « Parfait. Alors ?»« Eh bien, » hésita-t-elle, « je... s'il vous plaît. » Devant son air de chien battu, elle céda. Elle se morigéna aussitôt, mais ne pouvait revenir en arrière. Elle se promit de faire attention. Cet homme était l'archétype même du spécimen parfait à ses yeux, et donc dangereux. Le jeune serveur de la veille leur fit un énorme sourire, les voyant ensemble à la même table. « Je suis bien heureux, signore. »« Je m'en doute un peu, » répliqua Harmonie. « Aujourd'hui, au moins, votre hôte ne devra pas déguster un steak avec des fruits. » Elle demanda à l'homme ce qu'il avait commandé la veille pour rire d'aussi bon cœur. Oh, « des frites, tout simplement. » Je comprends mieux le quiproquo. En italien, « frutta » veut dire « fruit », mais « patatine » et « frite » veut dire « frite ».« Apprenez-moi l'italien, » fit l'homme très sérieux. Harmonie rit doucement. « En 11 jours, ce serait un exploit. » « Je suis douée, vous savez. » « Je n'en doute pas, certes, mais pas à ce point. » Ils prirent le même menu. « Fritti misti di mare, » fruits de mer en friture, et une pêche melba en dessert. « Bien, » fit l'homme, redevenu soudain très sérieux, « il serait temps de nous présenter. Je m'appelle Jérémy, et comme vous l'avez certainement constaté à mon accent, je suis canadien. Je suis né à Toronto, mais je vis aux USA. Si je parle français, c'est que j'ai également passé quelques années au Québec. À vous maintenant. » Il attendit. Harmonie, qui était suspendue à ses lèvres pleines, reprit son souffle. « Je m'appelle Harmonie et je suis normande. C'est tout. Je dois me contenter de cela. » Il lui tendit la main au-dessus de la table. Et comme elle lui tendait la sienne, il la retourna et lui fit un baise-main. Elle retira sa main un peu trop rapidement, en riant niaisement. Cet homme la troublait un peu trop, et il était également un peu trop entreprenant, charmeur. À quoi donc pouvait-elle s'attendre d'un homme de cette beauté seul sur un bateau de croisière? Et peut-être que lui aussi pensait la même chose d'elle, après tout. Il ressemblait à un acteur connu qu'elle adorait, et un peu plus âgé sans doute, mais presque un sosie. C'est pourquoi elle se promit de redoubler d'attention. Elle serait une proie facile pour ce genre d'homme. Elle n'avait pas encore mis un nom sur cet acteur. Cela lui reviendrait bien assez tôt. Ils discoururent de choses et d'autres à bâtons rompus pendant le déjeuner. Quel est votre métier? Décida-t-elle de lui demander au bout d'un long moment. Je suis chercheur biochimiste, et vous? Rien qui vaille la peine d'être raconté, dit-elle. J'insiste. J'écris. Un écrivain? S'exclama-t-il très intéressé. Racontez-moi. Je ne suis pas publié, donc cela n'a aucun intérêt. Parlez-moi plutôt de vos recherches. Ces dernières années, je me suis penché sur les remèdes les plus pointus en matière de cancer. Harmonie sursauta comme si une guêpe l'avait piqué. Jérémy s'en rendit compte et haussant les sourcils. Sujet sensible? On peut dire ça, oui. Alors oublions cela. Dites-moi ce que vous écrivez. Leur conversation dura jusqu'à la fin du repas et même bien davantage. Il lui décrivit son labo à New York et sa folie de tout quitter pour cette croisière. Il en avait eu plus qu'assez. Pendant 10 ans, sans vacances, ni véritable week-end, ni même de pause. Vous n'êtes pas marié? Elle se mordit la langue, aussitôt formulée cette question. Mais il lui répondit sans faire de problème. Je suis divorcée depuis 2 ans. Oh, désolée. C'est étrange, ajouta-t-elle, moi de même. Le serveur vint gentiment leur dire que le restaurant allait fermer quand un tout jeune homme se dirigea vers leur table. Hello, Dad. Ah, je vous présente Ronnie. Ron, pour les intimes, mon fils. Enchanté, fit-elle, lui tendant la main. Le jeune homme la lui serra cordialement. Enchanté de même, madame. Puis se tournant vers son père. Je serai à la piscine toute la journée, et ce soir je dîne avec une bande de copains au Tesoro d'Italia. Ensuite nous irons en discothèque. Beau programme. Rappelle-toi cependant, pas d'alcool ni de cigarettes, sinon. Le jeune Ronnie acquiesça. Salua Harmonie, fit un petit signe amical sur l'épaule de son père, et en sortant cria. Promis, Dad. Harmonie remarqua dans les yeux de Jérémy une intense fierté, mais aussi une profonde tristesse ou douleur. Il est jeune, certes, mais il semble sérieux, lui dit-elle. Oh, il l'est. Pourquoi cette inquiétude alors? Ils se levèrent et de concert rejoignirent la porte qui ouvrait sur le pont. Jérémy, ne se décidant pas à se confier davantage, la jeune femme n'insista guère. Pourtant, au bout de quelques minutes, celui-ci reprit. J'ai failli le perdre lorsqu'il n'avait que 2 ans. Encore un long silence, puis il ajouta. Une leucémie foudroyante. Mais il est guéri, n'est-ce pas? L'homme baissa la tête et marmonna. Oui, mais à quel prix? Harmonie supposa un drame et ne voulut pas l'inciter à plus de confidences. C'eût été malvenu de sa part, d'autant plus qu'ils ne se connaissaient pratiquement pas. Ils avancèrent à pas lents le long de la coursive pour se retrouver tout en haut, sur une vue plongeante de la piscine. Le temps splendide avait rempli tous les transats. Les enfants plongeaient, pataugeaient, ils s'envoyaient ballons et frisbees en criant à tue-tête. Ils les observèrent quelques instants en riant, puis de concert firent demi-tour vers la poupe du bateau. Le calme y régnait. Ils s'accoudèrent au bastingage et contemplèrent la Méditerranée. Jérémy, avec le plus de discrétion possible, jetait des coups d'œil à cette jeune femme si mystérieuse. Il ne savait rien d'elle, et pourtant, il se sentait bien en sa présence. Cela ne lui était pas arrivé depuis des années. Elle était jolie et paraissait très douce. Une intense détresse transparaissait de temps à autre, aussi bien dans sa voix que dans son regard. Il se promit d'en savoir plus, mais tout en douceur. Il sentait qu'elle était blessée au plus profond d'elle-même, et que cette blessure était irrémédiable. Doucement, d'une voix profonde qu'il prenait seulement quand il berçait son fils, lorsque celui-ci était tout bébé, il lui demanda « Vous n'avez pas d'enfant? « Non, et c'est très bien ainsi. » Elle se tut et se rembrunit. Il reprit « Vous avez sans doute eu raison. Chacun a le droit de décider si oui ou non. » Elle lui coupa brutalement la parole et sur un ton plus dur avoua. « Oui, c'est très bien ainsi. Mon mari n'en voulait pas Et pour quelqu'un comme lui, 7 ou 16 enfants auraient été malheureux. Oui, dit-elle en se tournant vers lui, en durcissant encore son ton. Je ne suis débarrassée de lui que depuis 2 ans. C'était un pervers narcissique, et ces 20 dernières années ont été un vrai calvaire. Vous savez tout. Je vais vous laisser à présent. Je suis lasse et je dois me rendre au théâtre pour l'exercice de sauvetage. Je vous remercie pour l'invitation. Ce fut un réel plaisir qui, j'espère, se renouvellera. Je ne vous ai pas fâché, au moins. Si j'ai été trop indiscret, je vous en demande pardon. Je parle quelquefois à tort et à travers, c'est un de mes plus gros défauts. Harmonie ravala sa colère. Il n'y était pour rien. Ce n'est pas contre cet homme, au demeurant charmant et prévenant, qu'elle en avait. Elle lui sourit et ajouta: C'est à moi de vous faire des excuses. Certains sujets sont encore trop sensibles et je m'emporte trop facilement. Pour me faire pardonner, si vous veniez dîner à votre tour à ma table ce soir. Le visage de Jérémy s'éclaira. Bien volontiers, mais ne vous excusez pas, je vous en prie. Je comprends que certaines blessures ne peuvent guérir aussi vite. Je ne vous parlerai plus de ce monstre. Cependant, je vous autorise à me poser toutes les questions que vous désirerez en échange. Cela vous convient? Harmonie partit d'un rire léger. Je vous prends au mot. Ce soir, vous aurez droit à un interrogatoire en règle. Je me sauve, je suis déjà en retard. Jérémy la regarda partir à regret. Il aimait sa prestance discrète, sa voix basse et mélodieuse, presque envoûtante. Ses 12 yeux d'ambre le perturbaient et il ne se risquait que rarement à la regarder bien en face. À presque 48 ans, il se sentait comme un adolescent et avait même peur de rougir parfois. Lui qui, en toutes circonstances, se targuait d'être un roc, ne savait plus comment se comporter avec cette jolie femme. Son téléphone sonna. Voyant l'identité de son correspondant, il eut soudainement l'envie de le balancer par-dessus bord. Cependant, se raisonnant avec difficulté, il prit l'appel. Oui. Monsieur Emerson, vous deviez nous appeler aussitôt que vous seriez installé, fit la voix un rien menaçante. Avez-vous déjà pu voir votre cible? Je l'ai vue, effectivement. Elle est avec sa femme et sa fille. Il va me falloir un peu plus de temps si vous voulez des résultats. Ce bateau a à son bord plus de 2 500 personnes. Je ne peux connaître au bout de quelques heures seulement son numéro de cabine, ni encore moins ses habitudes. Laissez-moi du temps, que diable! Vous avez 11 jours, monsieur Emerson. Ne l'oubliez pas. Nous attendons votre prochain coup de téléphone dans 2 jours. Cela aussi, ne l'oubliez pas. Un déclic et le téléphone fut de nouveau muet. Jérémy calma son envie de le jeter encore une fois. Il le remit brutalement dans sa poche.